Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est pour parler de l'agriculture, ce secteur qui, au Burundi, occupe plus ou moins 95% de la population active. Le Plan National de Développement, PND 2018-2027, révèle que l'agriculture contribue à hauteur de 39,6% au produit intérieur brut et offre 84% d'emplois. Hélas, ce secteur demeure sujet à plusieurs défis, dont le non-accès aux intrants agricoles et le manque de matériel de base pour les agriculteurs pratiquants. La loi du 23 avril 2012, et pourtant organisation du secteur semencier, prévoit, à lire les dispositions 10 et 12, une commission nationale semencière mise en place par le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. C'est une commission qui a pour mission de proposer toutes mesures qui concourent au développement de la filière semencière nationale, un organe consultatif qui assure la coordination de toutes les activités semencières. Elle assiste aussi et conseille le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions dans la coordination et la supervision des activités liées à la mise en application du plan national semencier, lequel plan sera mis en place en mai 2022. Ainsi, à travers cette émission, nous parlerons précisément de cette problématique liée au non-accès des cultivateurs aux intrants agricoles, dont justement l'accès aux semences. Le pays est en effet en pleine saison culturelle A, avec pourtant des perturbations climatiques dans plusieurs coins. Comment se porte la situation quand il s'agit de l'accès des cultivateurs aux intrants agricoles? Quels sont les défis? Quelles seraient les perspectives pour que les citoyens agriculteurs puissent accéder à ces intrants et à temps? Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Méthode Hakizimana, vous êtes le facilitateur de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'agriculture au Burundi, POSABU en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ingénieur agronome Tarsis Ndayizeye, vous êtes ingénieur agronome et vous savez beaucoup sur ce secteur de l'agriculture en tout cas. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis nous sommes avec vous, Francis Rojero, économiste de formation. Vous étiez candidat à la présidentielle de 2020 avec certainement un plan, un programme de société au niveau du secteur agricole. Bonjour. Bonjour. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana et Désiré Ngurunziza, réalisation d'Alain Désiré Boukeneza. Et à la présentation, vous retrouvez Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Puis-je adresser la première question à vous, Méthode Hakizimana, facilitateur au sein de la POSABU. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par intrant agricole, selon vous? Bon, merci bien de la question. Par intrant agricole, on devrait entendre effectivement les semences, les semences effectivement de bonne qualité, si je peux dire. On devrait entendre aussi les fertilisants pour faciliter donc la production. Et encore plus, nous devons entendre les produits phytosanitaires. Mais à côté des intrants dont je viens de parler, je peux encore une fois aussi ajouter le matériel agricole. Aujourd'hui, je peux parler du matériel agricole de base, notamment la roue, la serpette, ainsi de suite. Matériel agricole de base. Matériel agricole, la roue, la serpette, là. Et tout ce qui est avec, tout ce qui concourt avec les agriculteurs pratiquants, donc de petits exploitants. Et est-ce que ce matériel agricole, la houe, la serpette et toute autre chose, est-ce que ça rentre justement dans ces intrants agricoles? Bon, je peux dire que donc, ce sont des outils de base qui, même si on devrait avoir, si on disposait de semences, ça la houe, ça la serpette, on ne devrait pas pratiquement parler d'une agriculture qui est rentable. Oui, à mon avis, ça va de pair. Mais la houe, ça date de longtemps et c'est toujours utilisé depuis des années par les Burundais. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que la houe? Faire mieux par rapport à quoi? Il y a des machines. Selon moi, on ne devrait pas parler premièrement de la machine du moment que la population est très d'abord pauvre et inaccessible à cette machine. Ça, c'est un. D'autre part, on ne devrait pas parler aussi de la machine dans une propriété qui avoisine 0,5 hectares telle qu'elle est prescrite dans les documents. Autrement dit, même si on regarde le relief burundais, je crois que l'important, ce n'est pas d'abord de privilégier la machine, c'est plutôt de privilégier la roue, pour une population de 95%, que, comme vous l'avez dit, qui sont des agriculteurs. Mais cela étant, on ne devrait pas aussi exclure la machine pour des grandes exploitations et pour des usines, si vous voulez, et des industriels. Que dire de l'état des lieux, par rapport à l'accès aux fertilisants, engrais chimiques et aux semences en qualité et en quantité? Je crois qu'il y a toujours de la problématique du moment que, vous l'avez déjà signalé dès le départ, il y a d'abord l'insuffisance donc, de ces semences liées au coût qui est élevé, aux multiplicateurs de semences qui ne sont pas vraiment nombreux. Je vais revenir sur les différents chiffres qui sont déjà dans le plan national de semenciers, comme vous l'avez déjà dit. Il y a aussi les centres semenciers qui ne sont pas nombreux. Il y a même des provinces qui vraiment disposent de peu, donc des experts en multiplication de semences. Il y a le budget qui devrait faciliter donc l'amélioration de ce secteur qui est encore très bas. Parce que vous savez, le ministère vraiment dispose aujourd'hui de, je crois, de 226 milliards. Qui représente déjà 10,3, mais qui est réparti en trois secteurs, l'élevage, l'agriculture et l'environnement. Vous comprenez que déjà, l'agriculture peut avoir moins de 5%. Et les terres arables? Les terres arables sont encore très minimes, parce que si on dit que la superficie d'un ménage agricole peut varier de 0,5 vers 0,2, tel que c'est prescrit dans les documents, dans le rapport des États généraux de l'agriculture, qui prévoit que déjà dans 2025, la superficie pourra atteindre 0,2 hectares par ménage. Vous comprendrez que donc, la superficie est vraiment très minime. Ingénieur agronome Tarsis Daïzeye, c'est là où les mêmes questions. Les terres arables seraient-elles suffisantes pour les cultivateurs burundais? L'état des lieux, c'est merci, comment? Merci beaucoup. Je pense que si nous essayons de lire les documents qui sont disponibles, qui sont produits par le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, nous constatons que depuis beaucoup d'années, la taille de l'exploitation ne cesse pas de diminuer. Maintenant, on est en moyenne à 0,5 hectares par ménage. Et là, le diable se cache dans le détail, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui ont de... Est-ce que c'est calculé par rapport à ça, la population burundaise? À plus de 12 millions, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants, je crois. En fait, pour une superficie de 27 834 km², il va falloir préciser que toute la superficie du Burundi n'est pas cultivable. Il y a le lac Tanganyika, il y a les terres rocheuses, il y a des zones qui ne sont pas cultivables. On le voit, c'est les chaînes de montagnes, il y a des parcs dedans, il y a des montagnes rocheuses qui ne sont pas cultivables. Et ça, il y a des chiffres en termes de hectares, mais ces chiffres, ces exploitations sont mangées par les constructions. Vous voyez ici, par exemple, si on se réfère là où nous sommes, à Mairie de Bujumbura, la vitesse d'anthropisation, la croissance de la ville. Et donc nous avançons vers les déséquilibres là-bas. D'ici sous peu, on va effacer les déséquilibres. Donc la CRDI sera en mairie. Donc la CRDI sera en quartier de Bujumbura Mairie. Et les déséquilibres seront dans l'histoire. Donc il y a vraiment cette diminution de la taille d'exploitation. Ne va pas cesser de diminuer. Vous allez faire peur aux gens, aux cultivateurs. Donc ça, c'est une réalité. Donc vous voyez que chaque personne, il court pour chercher comment avoir une parcelle. Et la parcelle qu'il a, c'est là où l'autre est cultivé. Donc vous allez comprendre. Allez-y comprendre parce que... Donc ça, c'est une réalité. La taille d'exploitation diminue et va continuer à diminuer parce que... Donc c'est simple mathématique. Est-ce qu'on peut stabiliser? Oui, C'est possible, c'est possible. Mais il faut vraiment prendre, attaquer le taureau par ses cornes et prendre des dispositions et dire, donc, il va falloir agir à différents niveaux, sous plusieurs dimensions. Parce que, donc, il y a la taille. Est-ce que, comment faire pour que la taille reste là? Comment faire pour que la population... Parce que c'est en fonction de la population. Si tu as un fils, il a peut-être un fils... Peut-être qu'on va y arriver. Donc, il y a deux dimensions, la taille et la population. Il faut agir sur la taille et agir sur la population. Et comment agir, je pense qu'on va y revenir. On va y revenir. Mais tant que vous avez la parole, quel serait, selon vous, l'état des lieux par rapport à l'accès aux fertilisants, à l'engrais chimique et aux semences en quantité et en qualité? D'abord, il va falloir nuancer. Ils ne sont pas au même niveau pour les semences et les fertilisants. Les fertilisants, il y a un programme du gouvernement qui a commencé 2012-2013 et qui a vraiment essayé parce qu'au départ, on était à 2-3% de la population des ménages burundais qui utilisent l'engrais chimique. Mais avec cette politique, comme on a vraiment essayé de baisser le prix d'engrais chimique et l'administration s'est impliquée, le gouvernement a mis de l'argent avec les autres partenaires. Là, je connais donc les pays qui ont beaucoup aidé et les organisations internationales qui se sont investies beaucoup. Et puis, donc, ça a essayé de rehausser donc, l'utilisation des fertilisants. Mais on est à un niveau... Mais pour les semences, je dirais qu'on a des documents. On a des documents, mais qui tardent à produire des résultats. Parce que... Des documents qui tardent à être mis en application, vous dites? Oui, je dirais oui. Qui parlent des organes, qui parlent des plans, mais qui ne sont pas vraiment traduits. Appliqués sur le terrain. Traduits pour voir les résultats sur le terrain. Parce que... aujourd'hui, nous pouvons dire que les ménages qui utilisent les semences sélectionnées sont autour de 10%. Donc, c'est-à-dire que 90% n'utilisent pas les semences sélectionnées. Pourquoi? Et pourtant, il y a des multiplicateurs de semences, mais pas sur toutes les cultures. Alors, je vais dire que pour les semences, il y a un problème. Et à différents maillons, et à différents niveaux. Au niveau recherche, ce n'est pas sur toutes les cultures. Et au niveau multiplicateur de semences, ils ne sont pas répartis sur toute l'étendue. Quelles seraient ces semences qu'on multiplie, qu'on essaie dans... Bon, on essaie le riz, il y a une organisation d'ailleurs internationale qui est IRI, IRI qui produit des semences et qui donne ces semences... C'est pour le riz. Oui, à SLDI. Et il y a maïs, on voit que il y a des recherches, il y a des multiplicateurs de semences de maïs, il y a pommes de terre, mais bananes, manioc et haricots. Mais là, pas au même niveau également. Normalement, ici au Burundi, toutes les cultures que nous avons sont réparties dans quatre groupes. Il y a des cultures à rentabilité agronomique, c'est-à-dire c'est les cultures qu'on cultive et qu'on voit donc un rendement très élevé. Donc, c'est les patates douces, les maniocs. Et il y a d'autres cultures à rentabilité économique. Donc, qui donne un rendement moyennement bas, mais qui a un prix élevé sur le marché. Ça, c'est le blé, petit pois, les arachides. Il n'y a pas de recherche là-dessus, il n'y a pas de variété, il n'y a pas de semences sélectionnées sur ça. Alors que c'est ça qui devrait normalement donner de l'argent. Et puis, donc, l'autre, je disais quatre, je viens de dire deux. L'autre, la troisième catégorie, c'est l'écriture qui combine l'agronomique et l'économique. Donc, l'écriture à rentabilité agroéconomique. C'est-à-dire l'écriture qui sont à la fois, qui donnent un meilleur rendement sur le champ et également qui ont un meilleur prix sur le marché. Là, nous parlons de maïs, là, nous parlons de riz, là, nous parlons de pommes de terre. Et la plupart... Et sur le marché, aujourd'hui, ça coûte cher. Oui, c'est ce que je disais. Donc, le prix est meilleur pour le producteur. Donc, ces cultures qui renferment à la fois l'agronomique et l'économique, c'est ces cultures où vous allez voir que tous les partenaires se concentrer sur ces cultures. Et la quatrième catégorie? La quatrième, c'est les non-alignés, c'est les haricots. On cultive les haricots parce qu'on n'a pas d'autre choix pour trouver des protéines, de la viande. Donc, on est condamné pour faire face à quoi sur le corps. Francis Lohero, j'ai tardé, mais je vais venir vers vous. Et une question, vous aviez une vision ou un programme, je l'ai dit tantôt, au niveau du secteur agricole, lorsque vous vous portiez candidat à la présidentielle de 2020. Quel serait votre point de vue par rapport à l'accès aux semences et aux fertilisants ou engrais chimiques par et pour les cultivateurs? Francis. Merci pour la question. Je voudrais d'abord revenir sur un cas. Nous sommes dans un pays qui est petit, qui est de plus en plus pauvre. Il faut qu'on fasse un historique. De plus en plus oui. pauvre. Oui, de plus en plus pauvre, parce que ce qu'on est aujourd'hui, peut-être que demain on sera encore en bas. Il y a 30 ans, le Burundi avait une population d'environ de moins 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes au double. Nous sommes à 12 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'on a dit que dans la projection du plan national, on montre que l'agriculture intervenait dans le produit intérieur brut à 39%. Il était à 68% il y a 30 ans. 68% oui. C'est-à-dire qu'en regardant l'investissement agricole, il y a 30 ans, le Burundi investissait à presque 22% en agriculture. Aujourd'hui, il est à moins de 10%, à 8%. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donc considère... Donc ça va décrescendo. Et en effet, c'est-à-dire que la population croît sans cesse, mais l'investissement agricole ne fait que descendre. Cela dépend de la volonté politique. Alors, en revenant sur ce que vous venez de poser comme question... Est-ce qu'il y a des études Et oui, il y en a. Ce que je donne comme chiffres, c'est des chiffres qui émanent des institutions. Donc, on va y revenir. En réalité, il faut qu'on commence à penser l'agriculture comme une industrie nationale. Pas à le penser en matière de famille. Industrie nationale, oui. Puisque l'agriculture constitue... Ce serait vraiment impossible de commencer à imaginer que chaque famille... Le pays est essentiellement agricole. Agricole, ce que je ne crois pas, parce que quand on dit que 95% de la population est agricole, c'est faux. C'est-à-dire qu'au Burundi, on considère que tout celui qui n'a rien à faire, il est agriculteur, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'est agriculteur celui qui s'active dans cette activité, dans ce secteur, et qui est vraiment producteur en soi, parce que la plupart ils ne produisent que ce qu'ils vont manger et ne réservent au marché que ce, l'excédent, quelquefois. Alors, le pays a besoin de grandir parce que tout ce qu'on consomme au Burundi et partout ailleurs, c'est la nourriture qui vient avant. Alors, il faut qu'on se dise, notre économie va où? Et c'est là où je veux répondre à votre question. Parce qu'on ne peut pas continuer à imaginer qu'on va penser à l'agriculture par rapport à une famille. Une famille qui va avoir 0,2% d'hectares demain, alors qu'il faut penser à une agriculture de moins de population, peut-être 10% de la population, mais qui peut nourrir toute la population burundaise. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on pense. Parce qu'en imaginant toujours qu'une famille, une famille aujourd'hui est pauvre par rapport à il y a 30 ans. Méthode l'a dit, aujourd'hui la famille ne peut plus s'acheter une roue. Peut-être que cette famille ne peut même... Comment on imagine qu'une famille va fertiliser son sol? Une famille qui n'a pas à manger, comment peut-elle penser à fertiliser son sol? En mettant tout ça sur le dos d'une famille, une famille qui n'est pas capable de se prendre en charge, c'est en quelque sorte pour dire... Une famille qui ne peut pas s'acheter une roue. Une roue. C'est-à-dire, c'est dire à la famille de prendre en charge une industrie agricole qui va nous nourrir, nous tous, à quelqu'un qui ne peut pas le faire. Alors, c'est à ce niveau que je me dis, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne continue pas à penser agriculture-famille, mais plutôt qu'on pense agriculture, l'économie de la nation. Il appartient à l'homme politique de penser. C'est pour cela que vous veniez de rappeler tout à l'heure que j'étais candidat. Ce n'est pas plus important que ce que je pense. Mais je proposais à ce que le Burundi commence à rentabiliser son territoire. Il faut que la population burundaise, autant qu'elle puisse croître, qu'elle n'excède pas 12% de la superficie nationale. Et que l'agriculture soit appliquée sur une superficie d'environ 40%. Et qu'on réserve 40% encore. 40% pour l'agriculture. Les terres arables, vous dites. Oui. 40%. Pas seulement les terres arables, parce que j'aime ce qu'il a dit, l'ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui nous disent que même sur l'eau, ils arrivent à pratiquer l'agriculture. Il faudrait qu'on essaie de chercher comment faire. Parce que c'est prouvé que l'érosion, chaque année, nous prend environ plus de 10 tonnes de sol. 10 tonnes. 10 tonnes de sol. Donc, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que nous sommes en train de rentabiliser notre territoire ou nous sommes en train de jouer avec quelque chose qui va nous couler demain économiquement. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Alors, je parlais de chiffres, je pensais à 40% pour l'agriculture, 40% pour les forêts, et 12% pour l'espace des villes, et 8% pour des réserves. Donc, et ça, c'était des planifications que je montrais. Et il faut que, autant que la population puisse croître, il faut qu'on l'amène à vivre uniquement s'il est 12%. Et que l'agriculture prenne assez d'espace. Il ne faut donc pas que, demain, il faut pas donc que demain, on arrive à chasser les gens qui sont dans la plaine. Tant que vous êtes là, Francis Lohiro, si vous étiez aux commandes un jour, seriez-vous tenté par la politique de villagisation et régionalisation des cultures? Et comment procéder pour y arriver? Ce n'est pas que je serais tenté, c'est tout à fait naturel. Il faudrait qu'on le fasse. Il faudrait qu'on le fasse. Et tu as vu, nous avons assez d'ingénieurs, assez de techniciens qui le disent. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pas ici la parole d'un homme politique, mais c'est plutôt une parole technique. Mm-hmm. Nous devons amener notre population qui est censée être croissante à vivre dans des villes. Village. Et ce n'est pas ça qui commence. Ce qui doit commencer, c'est d'abord l'investissement agricole. On doit investir pour que les gens produisent. Parce que tout ce qu'on rêve de venir demain, ça ne peut être fait que par des investissements dans des secteurs producteurs qui peuvent nous amener à avoir des revenus dans nos familles et espérer vivre mieux dans des maisons, donc dans des villes. Donc, je ne vais pas dire que ma manière de procéder, c'est de faire pousser des maisons comme des champignons dans le pays. Il faut des étapes. Et je crois que techniquement, cela est possible. Le Burundi ne va pas devenir un pays avec des villes extraordinaires du jour au lendemain. Sinon, les terres arables se portent comment aujourd'hui? Elles sont en diminution sans cesse, comme elle a dit. Elles ne sont même pas protégées. Il y a l'érosion qui est là chaque fois. Et ce qu'on a aujourd'hui, peut-être que demain, on n'aura pas si on continue tel que nous sommes. Je reviens vers vous, Méthode Hakiziman, facilitateur au sein de la Posabou. Quel serait essentiellement le contenu? Nous avons parlé de plan national semencier. Quel serait essentiellement le contenu du plan national semencier de mai 2022, qui est venu 10 ans après la mise en place de la loi d'avril 2012 portant organisation du secteur semencier, laquelle loi prévoit une commission nationale semencière mise en place par le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions. Je pense que vous n'êtes pas bleu. Bien. D'abord, l'historique de ce document. Donc, vous savez quelque chose sur ça. Oui. Je voudrais d'abord mentionner l'historique de ce document. C'est un document qui vient trop tard, comme vous le dites. Parce que c'est un document qui suit un autre document qui s'appelle le Programme national de subvention des semences sélectionnées. Programme national de subvention de semences sélectionnées, qui a été validé en juin 2016. Et celui-là a suivi la loi, comme vous le dites, semencière de 2012. D'abord, lorsqu'il y a une loi qui est là et qui prévoit à son article 2 la mise en place des politiques et des stratégies de mise en œuvre de cette loi, et que le premier document arrive en juin 2016, ça veut dire 4 ans après, alors qu'il devrait mettre en place cette loi, plutôt mettre en œuvre cette loi, et que le document de plan national de semencier, qui devrait encore une fois faire partie des stratégies des politiques de mise en œuvre de cette loi, apparaît en 2022, ça veut dire à 10 ans, vous voyez déjà qu'il Il y a en tout cas des retards. C'est ça, il y a vraiment problématique. Même le contenu de ce document, même s'il est venu, en tout cas ça ne coïncide pas avec la réalité qui a mis la loi en place. Si la loi a été mise en 2012 et qu'aujourd'hui en 2022, il y a déjà des changements au niveau contextuel. Il y a déjà des changements au niveau même du ministère de l'Agriculture. Parce qu'avant, c'était le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et maintenant, c'est le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Il y a encore une fois ces différentes contradictions. En plus, au niveau même de ce document, plan national semencier, il est mentionné quelques incohérences. Notamment, l'article 12, CETI, de la loi semencière. Et l'article, je crois, 12 ou 26, ça prévoit, il y a une nuance. Les municipalités semencières devraient être agréées par le NSSS. Et d'autre part, le par NSSS, le ministère. C'est l'Office national de certification des semences. Certification des semences. Il y a des articles qui sont nuances. D'abord, on prévoit l'agrément des multiplicateurs au niveau du ministère, et l'autre article prévoit l'agrément au niveau de l'ONSC. Vous voyez qu'il y a des contradictions. Le même document, encore une fois, en fait, précise les quantités qu'il fallait produire, donc qu'il fallait subventionner en termes de semences sélectionnées. Mais Même si c'est prévu, je ne vois nulle part dans le budget national où est prévu l'obligé de mettre en application son plan national semencier. Vous comprenez qu'il est là, mais il devrait avoir en principe un plan national de mobilisation de ressources pour sa mise en application. Il n'y en a pas. Le plan national... Donc vous allez dire finalement qu'il y a des programmes, il y a des commissions, mais pas de budget. Pas de budget, parce que déjà au niveau du programme national de subvention des sommets sélectionnés, il est prévu qu'en juin, plutôt qu'en août 2016, on devrait avoir la mise en place d'un fonds commun semences. Mais jusqu'à actuellement, il n'y en a pas. Donc vous comprenez que même si le document est venu 10 ans après, c'est toujours caduque parce que il serait difficile de vouloir le mettre en place, en œuvre. Est-ce que vous auriez un mot à placer par rapport à cela, ingénieur agronome Tarsis Ndayizeye? Merci beaucoup. Je pense que l'exemple des fertilisants peut nous servir. Quand même, ça, c'est un programme qui est venu et qui a vraiment essayé d'aider à accroître l'utilisation de fertilisants au Burundi. Et ça, le gouvernement a pris le devant. Le gouvernement a mobilisé les partenaires. Ils ont mis en place ce qu'on a appelé « basket fund ». Chaque partenaire devrait s'exprimer, s'engager sur le montant qu'il va mettre régulièrement dans ce « basket fund » pour subventionner les semences. D'abord, je dis que si vous consultez d'autres pays, comment ils ont fait pour décoller, il va falloir s'assurer que ta population ait à manger. Qu'il y mange. Parce que tu ne peux pas demander à des gens de travailler, de faire quoi que ce soit, s'ils n'ont pas mangé, s'ils ont fait. Alors, l'agriculture, sous d'autres siens, est subventionnée. Et ici, je dirais que c'est subventionné, mais pas suffisamment subventionné. Parce que c'est sur quelques aspects. Donc, le fertilisant, c'est vrai. Mais les semences, parce que, je dirais, vous savez que les semences, quand vous utilisez, je vous donne l'exemple, pour le maïs par exemple, si vous utilisez les semences tout venant, vous avez 300 à 400 kilos. Vous avez 700 kilos par exemple, vous utilisez les semences de la récolte précédente, vous avez 700 kilos. Mais si vous utilisez les semences améliorées, vous avez 4 tonnes. Si vous utilisez les hybrides, vous avez 7 tonnes. Écoutez, allez-y comprendre. Vous passez de 700 kilos... Une différence en termes 700, de tonnes. 700 kilos, vous utilisez ces masses améliorées, chez Teris Paribus, les autres conditions sont les mêmes. Donc, vous passez de 700 kilos à 4 tonnes, juste en bougeant sur la variable semences. Et puis, si vous utilisez hybride, vous passez de 700 kilos à 7 tonnes. Donc, je pense que c'est un exemple éloquent qui montre que il faut, si nous voulons nourrir la population burundaise, il va falloir s'investir sur l'aspect, la dimension semences au Burundi, sur toutes les cultures qui sont cultivées au Burundi. Vous dites qu'il faut faire quelque chose pour décoller. Oui. Comment faire pour décoller donc dans ce domaine de l'agriculture? D'abord, vous avez dit que c'est 90%. Ça concerne 95%. Beaucoup. Sinon, tous, nous mangeons. Nous mangeons, nous ne cultivons pas, mais nous mangeons. Nous achetons. Nous sommes sur d'autres maillons. Nous sommes agriculteurs en quelque sorte, parce que nous achetons ce qui a été produit par des agriculteurs. Donc, nous sommes sur d'autres maillons. Mais je pense que nous tous, nous devons comprendre que l'agriculture, c'est notre préoccupation. Et contribuer comme on est en train de le faire. Et vraiment voir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Sur les fertilisants, on voit ce qui a été fait. Sur les semences, nous proposons qu'il y ait un basket fund, un fonds pour semences, pour subventionner les semences. Un fonds mis en place par le gouvernement. Par le gouvernement et d'autres partenaires qui interviennent et qui interviennent de façon des fois contradictoire. Ils mettent l'argent dans ce basket fund et puis l'agriculteur, qu'il soit à Tchendajuru, ou à Muyinga, ou à Makamba, ou à Mugamba, ou à Rugombo, qu'il cultive haricots, ou bananes, ou manioc, il trouve une semence améliorée juste pour accroître son rendement. Francis Lohero, vous, je vais vous poser la question par rapport aux défis, finalement. Les défis liés à l'accès des cultivateurs aux intrants agricoles, engrais chimiques ou fertilisants, et semences sélectionnées, ce sont lesquels? Je crois qu'aujourd'hui, Le premier problème pour moi, c'est d'abord c'est l'éducation même à l'agriculture. Parce que nous voulons faire comme si, comme ce que faisaient nos grands-pères il y a 100 ans. Nous voulons vivre l'agriculture aujourd'hui comme vraiment nos grands-pères. Ce ne serait pas possible. C'est comme si on vit toujours ce qu'on disait, que ceux qui ont été à l'école ne s'intéressent pas à l'agriculture. Alors, on devrait aujourd'hui, je crois, commencer à penser ferme au lieu de penser famille, à penser ferme et à impliquer les techniciens, les agronomes, les impliquer dans ces fermes pour que, comme il vient de le dire, pour que le gouvernement puisse utiliser ces fermes pour produire. On ne peut pas donner cette industrie agricole, comme je l'ai dit, la laisser uniquement aux mains des familles, des gens qui ne sont pas formés, qui, à la limite, croient que l'agriculture dépend juste de la pluie, qui pensent que parce qu'il a plu, on aura de bonnes récoltes, comme ils viennent de le prouver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que la population ne sait pas. Donc, je crois que donc, le premier défi, c'est cette culture, croire en ce qu'on est en train de faire, savoir ce qui se passe, comprendre techniquement ce qui doit être fait pour que l'agriculture puisse quitter le phénomène ancien en entrant aujourd'hui dans un mécanisme de production pour la nation et pour même les partenaires, les voisins de notre pays. Donc, je me rappelle que aujourd'hui, il y a un protectionnisme. C'est comme si on empêche aux gens d'amener leur production à l'étranger parce qu'on n'a pas assez. Alors que la rentabilité naturelle serait que l'on produise suffisamment pour nous et qu'on puisse laisser les gens exporter. C'est comme si on veut que le pays soit riche. Donc nous ne sommes pas, pas encore à l'étape d'exportation. C'est-à-dire que à l'ancienne époque, vous vous rappelez, les Burundais ont cru que les produits à exporter, c'était seulement le café. Ils ne savent pas que le haricot peut être exporté. Ils ne savent pas que les autres, que le maïs, que le haricot peut être exporté. Donc, je crois qu'on doit amener les gens à une formation, à demander aux intellectuels de s'impliquer pour que cette agriculture qui nécessite beaucoup de science, qui nécessite beaucoup de compréhension, soit faite par les gens qui comprennent. Et c'est pour cela qu'on va trouver le peu de familles qui peut s'impliquer, c'est-à-dire les 10%, tels que je le dis, qui peuvent nourrir toute la population, deviennent comme des ouvriers, mais là où il y a des planificateurs qui pensent dans ce domaine. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au défi? Oui. Méthode, Hakizimana. Bon, merci bien. D'abord, le premier défi, au niveau, comme je l'ai dit, au niveau du plan national de subvention de semences sélectionnées, on devrait avoir mis en place un laboratoire de qualité pour certifier les semences. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je l'ai dit, on devrait avoir un fonds commun de semences qui devrait être mis en place en août 2016, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. J'ai déjà dit fonds. Donc le budget qui est alloué au niveau du secteur semencier, j'ai déjà constaté qu'au niveau du budget, il n'y en a que 4 milliards pour le budget qui est commencé en 2022-2023. Vous comprendrez donc que 1 milliard vraiment c'est trop peu. Encore une fois, Au niveau du ministère finalement, c'est combien au niveau du ministère ayant l'agriculture dans cette attribution? Tout le ministère dispose de 226 milliards, parmi lesquels il y a les fonds. Il y a déjà un budget qui devrait venir de l'extérieur qui est équivalent à 98 milliards. Vous comprenez que c'est 36 milliards qui sont déjà de ressources internes, qui sont très peu par rapport à la valeur de l'agriculture, comme vous l'avez dit. En plus, il y a une loi, plutôt une ordonnance qui sur l'agrément des multiplicateurs de semences. C'est vraiment une loi qui est contraignante, plutôt une ordonnance contraignante. À titre exemplatif, pour être sélectionné comme multiplicateur de semences, on doit avoir au moins au minimum 1 hectare cultivable. Oui. Et nous avons constaté déjà que la terre arable continue à diminuer, donc de façon inquiétante. Un demi-hectare ou même moins. Voilà. Vous comprenez donc que ces différentes lacunes sont différents défis, donc, qui ne sont pas même exhaustifs, vraiment méritent une attention particulière. Ingénieur agronome Tarsis, est-ce que... défis. Bon, ils ont listé pas mal de défis, je vais ajouter d'autres. Ils avouent un institut spécialisé dans la recherche, produit quelques semences sur quelques spéculations, quelques cultures, donne des pré-bases aux multiplicateurs. Les multiplicateurs des fois, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés ou bien que ce ne sont pas la plus, certains d'entre eux, vous allez voir que certains agriculteurs ont abandonné à utiliser les semences sélectionnées parce qu'ils ont acheté les semences sélectionnées et n'ont pas vu changement de rendement. Parce qu'ils ont trouvé que les semences sélectionnées ne sont pas des semences sélectionnées. Donc, qui contrôle ? Finalement, ce ne sont pas de vraies semences. Ce ne sont pas de vraies semences sélectionnées. Certains. Alors, certains ont été attrapés, d'autres ont été sanctionnés, et on se pose la question. Est-ce qu'il y a mensonge de la part des laboratoires ? Oh, le laboratoire n'est pas là. Le laboratoire n'est pas là. Sois rassuré, le laboratoire n'est pas là. Il n'y en a pas. On se pose la question, qui suit et avec quoi il va savoir que cette semence est de bonne qualité ou pas? Parce qu'une semence peut être de bonne qualité avant midi, et après midi, pas de bonne qualité, parce qu'il y a des conditions, que ce soit au niveau de stockage, que ce soit au niveau de transport, que ce soit au niveau d'utilisation, parce qu'une semence a ses conditions, que ce soit au niveau de la production, sur le protocole de production, sur le stockage, ou le transport, ou l'utilisation. Et alors, on se pose la question, est-ce que sur tous ces maillons, est-ce qu'il y a des gens qui suivent, qu'il y a respect des conditions? Et en certains moments, si l'agriculteur vient acheter à un prix élevé, je note, parce que je me dis qu'il faut essayer de voir comment permettre à un agriculteur d'avoir une bonne semence à un prix bas. Parce que vous allez trouver qu'un kilo de semence coûte, par exemple, 6 000, alors que un kilo de semences, un kilo de cette culture, mais consommable, c'est 1 000 francs par exemple. Vous comprenez que de 5 000 par exemple. Et alors, on se pose la question. C'est cher, mais c'est cher. Mais pas rentable. Mais pas rentable. Et ça va décourager l'agriculteur. Ça va décourager l'agriculteur. C'est la raison pour laquelle nous voyons que les chiffres n'avancent pas tel qu'on le croyait. Donc, il n'y a pas vraiment... nous ne sommes pas structurés autour de cette échelle. Nous ne sommes pas structurés au niveau de la production, au niveau de l'encadrement, au niveau du suivi de ça et au niveau du financement. Donc l'encadrement, le financement, la recherche. Donc, il y a toute une série de défis et je pense qu'il faut que vraiment l'autorité prenne le taureau par les cornes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Pour rappel, nous parlons à travers l'émission Mosaïque de la problématique liée au non-accès des cultivateurs aux intrants agricoles, engrais chimiques ou organiques et semences de qualité par les cultivateurs. Sur le plateau, il y a trois invités, à savoir Méthode Hakizimana, facilitateur de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'agriculture au Burundi, POSABU en sigle, ingénieur agronome Tarsis Ndayizeye, ainsi que Francis Lohero, économiste. Il a été candidat à la présidentielle de 2020 au Burundi. Avant de terminer, parlons perspective. Francis Lohero, le pays étant essentiellement agricole, vous le savez, que proposeriez-vous pour faciliter l'accès des agriculteurs pratiquants et même les petits exploitants aux intrants agricoles, fertilisants et semences de qualité, mais également pour que le secteur agricole puisse contribuer au développement du pays? D'abord, je rectifie, c'est pas essentiellement. Donc si je reviens, je crois que on l'a dit dans beaucoup de choses de ce qu'on a dit, le gouvernement du Burundi doit prendre en charge l'agriculture au Burundi. Il doit subventionner l'agriculture, c'est faible dans beaucoup de pays. Ça dit qu'il faut que le gouvernement pense à le faire. J'ai dit il y a quelques années, le budget au niveau de l'agriculture était un peu élevé. Il faut qu'on arrive à l'élever aujourd'hui. Il faut que les ambitions politiques puissent être à la hauteur de ce que nous voulons devenir. Donc, j'ai l'impression qu'on investit le plus souvent dans des choses qui ne produisent pas nécessairement, notamment dans des parades culturelles et autres, qui ne produisent pas nécessairement. Il a dit, M. Tarsis, une population qui doit chercher sa vitalité, doit d'abord la chercher en essayant de bien manger. Donc c'est dommage qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans ce pays qui est utilisé dans des domaines qui ne sont pas si rentables que l'agriculture. Donc tout ce que je peux dire ici, c'est que le gouvernement du Burundi doit prendre en charge. Ne plus imaginer que les familles burundaises, les familles pauvres burundaises, peuvent prendre en charge l'agriculture et nous nourrir. Qu'ils doivent naturellement tout faire pour que l'agriculture, depuis la base, c'est-à-dire les intrants, les fertilisants, les semences, comme les techniciens l'ont dit. Ici, je me plais d'avoir vécu une émission avec des techniciens qui m'en font apprendre. C'est-à-dire qu'il faut que, très sérieusement, tout ça soit pris par le gouvernement. Il faut qu'on se rappelle, l'argent du gouvernement, c'est l'argent du contribuable burundais. Nous payons des impôts pour que ces choses-là soient faites. Il faut aussi qu'on se rappelle, dans la chaîne d'une économie d'une nation, un pays qui ne produit pas sa nourriture ne peut pas se développer. C'est vrai, on voit des pays qui ont beaucoup d'argent qui viennent des minerais ou du pétrole, qui achètent la nourriture ailleurs. C'est là où on sait que dans ces pays, la vie est très chère. Quand un pays veut être viable à moins cher, il produit d'abord sa nourriture. Il nourrit sa population et la vie devient moins chère. C'est là où même, quand on se lamente chaque fois que le Burundi est pauvre, c'est-à-dire qu'on parle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le Burundais moyen ne sait même pas s'il a généralement un revenu. Pour ceux qui en ont, je parle de ceux qui ont nourrir, un salaire. Nourrir sa population, c'est l'expression que vous utilisez. Oui. Nourrir sa population, la situation, ça se porte comment? Et elle diminue de jour en jour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiffres, je ne les ai pas ici nécessairement, qui montrent que la manière dont la population burundaise pouvait se nourrir il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. J'ai montré qu'il y a 30 ans, la situation qu'on avait il y a 30 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et ça s'explique très facilement avec une population de sans cesse croissante. Si vous n'investissez pas en agriculture, vous ne pouvez pas nourrir cette population. Donc le gouvernement, c'est lui le moteur de tout ce qu'on est en train de faire. Et le gouvernement, ce sont des idées de ceux qui en font partie. Je crois qu'il faut qu'il quitte cette imagination de croire que le Burundi est essentiellement agricole. C'est faux. Le Burundi n'est pas essentiellement agricole. C'est un pays qui doit chercher ses pôles selon les moments. On ne peut pas être essentiellement agricole avec ce qu'on est en train de vivre, les aléas climatiques. Il faut que le Burundi mobilise son agriculture pour donner une production assez rentable. Il faut que ce qu'on cherche ailleurs, on puisse le mobiliser vers l'agriculture et qu'on puisse nourrir notre population sans se soucier de ce qu'on va devenir demain. Mais Francis Lohero, il y a, la population est agricole, mais il y a des jeunes sans emploi, ils terminent des cursus universitaires, ils terminent l'école, et ils vont dans la rue et ils ne cultivent pas. Ça c'est comment? Ça s'explique très facilement. L'agriculture, ce n'est pas une roue. Ce n'est pas seulement un champ. Vous avez un champ. Ils l'ont dit, ils font un budget. Il faut des intrants, comme on a dit. Il a bien dit, il faut des outils. Et il faut ces semences. C'est-à-dire que si vous passez votre vie à cultiver, sans avoir la production qu'il faut, sans savoir si ce que vous produisez va vous faire vivre, vous laissez la campagne et vous fouillez en ville pour chercher ce qui est facile. C'est-à-dire qu'il faut une intellectualisation de notre mécanisme agricole pour que les gens se posent des questions. Qu'est-ce que nous devons faire pour produire assez pour que l'agriculture puisse nous faire vivre? S'ils ne le savent pas, ils vont croire qu'en venant en ville, en se donnant à la vie de débauche, que c'est mieux que la campagne. Et vous savez que la plupart des Burundais le disent. Que celui qui est mieux, il a quitté la campagne. Donc il faut qu'on le dise à notre population. En réalité, il ne faut pas le dire avec des mots. Il faut montrer qu'en investissant dans les fertilisants, en investissant dans les semences, en investissant dans les outils, la population peut vivre de son agriculture très facilement et avoir un revenu conséquent. Donc sans cela, les familles ont passé des années à cultiver, mais deviennent de plus en plus pauvres. Comment expliquer à ces familles que l'agriculture est nécessaire quand ils dépensent autant d'énergie sans revenu? Méthode Hakizimana, facilitateur de la POSABO, des propositions pour faciliter l'accès des populations aux intrants agricoles pour que les citoyens puissent se développer et développer le pays. Merci bien. Je crois que nous l'avons déjà signalé dès le départ. D'abord, je vais donner des propositions, les propositions sous des angles. Mm-hmm. D'abord, au niveau du matériel agricole, mm-hmm, et au niveau des semences. Au niveau du matériel agricole, nous avons constaté que déjà l'accession à une roue ou à deux roues pour un ménage, c'est vraiment un parcours de combattant. Il y a une étude qui a été faite. On a trouvé que pour avoir 5 roues dans un ménage, mm-hmm, il faut vendre 100 kilos de maïs. Mm-hmm. Si on calcule le prix que le gouvernement a fixé. Imaginez-vous donc un ménage qui peut avoir 100 kilos. Le prix de la roue, c'est déjà 12 à 15, c'est variable. 12 à 15 000. Et si vous divisez donc, si vous multipliez par 5, vous avez trouvé un montant qui est égal 55, à... Disons 75 000 francs. Oui. Et vous comprendrez que... Pour avoir 75, il faut vendre 100 kilos de maïs. C'est ça. Donc, je proposerais qu'on puisse avoir vraiment un programme de subvention du matériel agricole. Comme le gouvernement déjà l'a fait sur l'engrais chimique, il faut vraiment qu'ils pensent aussi à refaire pour le matériel agricole. Vraiment avoir un programme de subvention nationale pour toute la population agricole. Deuxième chose, il faut au moins penser à une exonération de ce matériel. C'est inconcevable que le matériel de construction soit exonéré et que le matériel d'agriculture qui est déjà... qui regroupe plus de la, presque 100% de la population ne soit pas exonéré. C'est inconcevable. Deuxième chose, au niveau des semences, comme il est écrit dans le document noir sur blanc, de plan programme national de subvention des semences sélectionnées, qu'il doit y avoir un fonds commun semences. Il faut que ce fonds soit mis en place. Fonds commun semences. Oui, ça c'est un. Deux, il faut qu'il y ait l'augmentation vraiment du budget du ministère. Si nous voyons que c'est ça, c'est 236 milliards, qui peut équivaloir à 10,9% de tout le budget du ministère par rapport au budget de l'État, alors que les accords de Maputo prévoient 10%, 10 secteurs agriculture. Minimum 10%, 10 ministères, donc 10 secteurs agricoles. Vous comprendrez que nous sommes déjà très loin. C'est ça du minimum. C'est ça. Troisième chose, il faut actualiser la loi semencière pour l'adapter au contexte. C'est la loi semencière de 2012. La loi semencière de 2012, oui. Vous dites. Oui, oui. Hein. Il faut l'actualiser. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres... Les aléas qui ont surgi, qui nécessitent vraiment une adaptation par rapport à cette loi. Quatrième chose, il y a la mise en place d'un laboratoire d'analyse de la qualité des semences. Bon, donc c'est regrettable qu'il n'y en ait pas. Et vous avez parlé tantôt de centre semencier. Ça se trouve à quel niveau? Au niveau des communes? Au niveau des provinces, il y a des centres semenciers. Mais au niveau de quoi? Mais au niveau national, il devrait y avoir vraiment son laboratoire pour certifier, pour voir si la qualité des semences vraiment est assurée. Et ensuite, il y a une ordonnance ministérielle qui prévoit l'agrément des multiplicateurs de semences. J'ai déjà dit que c'est contraignant. Il faut aussi qu'elle soit adaptée aux conditions. Et en plus, on devrait rendre vraiment autonome Rizabou pour faciliter le décaissement. Parce qu'on a constaté dans l'évaluation même, il y a une évaluation qui a été faite sur le programme national de subvention des matériaux agricoles. On a trouvé qu'il y a un problème vraiment de décaissement des fonds. La lenteur de décaissement est vraiment très vérifiée. Les fonds, il y en a, mais il y a lenteur de décaissement. Même ceux qui sont, d'abord, sont insuffisants. Ceux qui sont vraiment très difficiles à décaisser. Vous voyez? Et enfin... Je crois que d'abord, on devrait avoir ce souci d'aboutir au moins à 40% des agriculteurs qui accèdent aux semences sélectionnées, parce que c'est l'objectif principal du programme national de subvention des semences sélectionnées. Pourquoi 40%? Si on est à moins de 10, il faut au moins avoir ce sentiment d'aboutir à 40%, parce que c'est déjà prévu au niveau de ce programme national de subvention des semences sélectionnées. Ingénieur agronome Tarsis Daizé, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, des propositions, des perspectives? Merci beaucoup. Je pense que d'abord, vous savez que nous sommes dans un débat. Le protétendard, c'est son excellence, le président de la République, qui a dit que chaque bouche est à manger. Je pense que c'est simple calcul. Nous sommes autour de 12 millions. Nous mangeons tous. Il faut multiplier. Nous mangeons combien par jour? Nous avons besoin de combien par mois? On a besoin de combien par an? Et nous produisons combien? Qu'est-ce qui manque? Comment combler? Donc, comment chercher ce qui manque? Donc, faudrait-il accroître la production? Faudrait-il importer? Parce que moi, il y a quelque chose que je dois donc devoir signaler. Il y a à côté, en RDC Congo, il y a un entrepreneur qui s'appelle Moïse Katumbi. Il produit 400 tonnes par jour de maïs. 400 tonnes par jour? Par jour. Et puis, il a une unité où il produit. Donc, c'est les maïs sont transformés en farine et puis donc c'est un système vraiment intégré. Mm-hmm. Et puis à un certain moment, on se pose la question. Nous, dernièrement, j'ai entendu qu'on a acheté la production. Je ne sais pas combien de tonnes on a stocké. Je pense que des fois, il va falloir faire une analyse relative. Nous avons combien? Nous nourrissons combien? L'alimentation. Donc, on a besoin de combien au Burundi? Partons sur des chiffres, des statistiques claires. Il y a Istebou qui est là. Il peut donc compter. Nous avons besoin de combien? Nous produisons combien? Parce que maintenant, allez voir, le riz, ça grimpe 10 jours au jour, avant et après midi, recto verso. Donc, ça monte quotidiennement. Donc, vraiment, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mon ami Méthode vient de lister pas mal, mais je pense que voir qu'en 2022, il y a un Burundais, un agriculteur burundais, qui attend cultiver. Avec cette tracasserie climatique qui attend, qui voit la pluie venir, mais qui ne peut pas cultiver parce qu'il manque d'eau. C'est dommage. Il faut vraiment subventionner la roue pour que chaque ménage, pour chaque cultivateur... Que l'État subventionne la roue. Exonère la roue. Pour que quelqu'un qui a besoin d'une roue la trouve facilement. Si ce n'est pas gratuitement, mais à un prix vraiment très bas. Ça, c'est un. Pour dans le matériel agricole, je dirais, donc, je me concentre sur la roue. Il est remarquable. Vous dites au moins la roue. Au moins la roue. Au moins la roue. Il faut que le ménage, vraiment, qui veut cultiver, ne manque pas la roue parce qu'il a manqué l'argent pour se procurer une roue. Ça, c'est un. Deux, il faut vraiment créer un encadrement. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a proposé, Méthode. Je suis totalement, j'épouse totalement à 100% ce qu'il a proposé. Il faut créer l'encadrement des multiplicateurs et de l'agriculteur. Parce que, pour éviter les déceptions, les multiplicateurs, ils mettent de l'argent, l'agriculteur, ils mettent de l'argent, et puis, s'ils mettent de l'argent et qu'au bout des tunnels, ils ne récoltent pas, donc, c'est décevant. La saison prochaine, il ne veut pas investir. Alors, s'il n'investit pas, alors que Francis Rohero, Méthode, Vitaliho et Tarsis, nous sommes là, nous voulons manger, alors qu'il a abandonné, au fait, l'agriculteur doit être caressé dans le sens des poils pour continuer à cultiver. Sinon, s'il abandonne, on risque vraiment de se retrouver dans le désarroi. Alors, je termine sur le fonds commun. Vraiment, il y a beaucoup d'intervenants dans le secteur agricole. Il faut qu'ils mettent de l'argent dans un fonds commun pour subventionner les semences. Et subventionner les semences, donc, d'après les statistiques, d'après les études, ça montre que c'est accroître la production à 40% au moins. Donc, utilisez, si vous jouez sur cette dimension semences, uniquement, vous pouvez accroître la production et atteindre l'objectif de son excellence, que chaque bouche ait à manger. Et nous aurons à manger et nous reviendrons dans une émission. Que chaque bouche ait à manger, que chaque poche ait de l'argent. Francis Rohero, une question à vous tous. Vous avez un rêve. Aujourd'hui, vous voyez la situation et demain, le rêve que vous avez, c'est comment? Pour l'agriculture, le secteur agricole au Burundi. C'est que la population burundaise soit nourrie à suffisance et qu'elle puisse exporter sa nourriture. Donc ça, c'est mon rêve. Et comme je l'ai dit, je me pose, ce ne sont pas les familles qui vont le faire. Tant qu'on va croire que c'est juste les familles qui vont le faire, franchement, tout ce qu'on vient de dire ne pourra pas être possible. Il faut, un, que le gouvernement le fasse, et il faut qu'on évolue vers le travail de peu de gens pour nourrir toute la population. Ce n'est pas tout le monde qui va s'impliquer en agriculture, on ne pourra pas le faire. Donc, il faut qu'on laisse ces espaces occupés par l'agriculture, que personne n'y cultive, et que très naturellement, l'agriculture prenne vraiment de la place. Et que l'agriculture soit l'ambition de nos autorités. Parce que, d'après tout ce qu'ils viennent de dire, ils l'ont dit, les techniques sont là, tout est connu. Ce qu'on vient de dire ici, ce n'est pas des choses qu'on invente. Il appartient à quelqu'un de prendre cette décision. Et tout sera fait. Méthode Hakizimana, un rêve. Demain, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, il y a une situation S et demain, c'est comment? Bon, merci bien. D'abord, je dois me référer sur les trois premiers objectifs de développement durable. Le premier qui parle de la lutte contre la pauvreté, le deuxième, la lutte contre la faim, et le troisième, pour le bien-être. Si déjà ces trois objectifs sont réunis et qu'ils sont atteints, vraiment, j'espère que le Burundi sera un paradis comme nous avons l'espoir. Et je crois que, à mon avis, il faudrait que vraiment l'espace burundais soit vert. Parce qu'à un moment donné, il faut constater que deux photos montrent que le Burundi vraiment n'a pas de couleur à travers les différentes collines. À mon avis, le minimum, l'agriculture vraiment devrait être un rempart comme c'est déjà décrit dans tous les documents de référence. Et par conséquent, la vie d'un citoyen burundais vraiment sera sans défi, sans difficulté, et le Burundi sera paisible. Un dernier mot, ingénieur Tarsis Naïzé. Merci beaucoup. Je pense que ce que Francis Rohiro a dit, tout le monde ne doit pas être agriculteur. Je pense qu'il y a des canaux. Passons dans les coopératives, marions famille, ménage et coopérative. Marions, il faut qu'on s'inscrive dans l'évolution des choses. L'évolution des choses, mettre les gens ensemble et essayer de faire avancer notre agriculture. Avec la roue, comme on le disait tantôt, il y aura des gens qui vont utiliser la roue et puis d'autres qui vont passer à une autre étape. Mais mon rêve, c'est de voir que chaque Burundais ait à manger. Les autres vont suivre, les autres choses vont suivre. Mais il faut passer par ces canaux. Donc, prendre la famille, mais encore une fois, passer par ces coopératives, ces personnes qui se mettent ensemble, et puis donc l'encadrement là, les groupements, les coopératives, et pour que donc, ça se renforce au niveau éducation, au niveau encadrement, au niveau accessibilité, au niveau vente, au niveau stockage, ça va donc se renforcer. Et je vois qu'il y a certains signaux du gouvernement qui montrent que le gouvernement s'inscrit dans cette logique, mais il y a d'autres défis qui sont encore là, et nous interpellons et nous encourageons le gouvernement pour s'attaquer à ces problèmes, et ce rêve, ça sera d'ici souper, on pourra se retrouver dans cette situation. Merci beaucoup Tarsis Ndayizeye, ingénieur agronome. Merci d'avoir participé à cette émission et merci de votre contribution. Merci beaucoup. Merci à vous, Francis Rohiro, économiste de formation. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci à vous, à la radio Isanganiro et aux auditeurs. Et surtout, merci aux partenaires. Je viens de les connaître. C'est un plaisir pour moi. J'ai appris. Je crois que le pays a besoin de toute la technique. À eux et aux autres qui n'en sont pas là, je dis merci. Méthode Hakizimana, facilitateur de la plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'agriculture au Burundi, POSABU en sigle. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à l'émission. Bon, merci bien. Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Et merci à tous et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain Désiré Boukeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Bitalio. Restez branchés, nos programmes continuent. Mosaïque.